Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Oui, effectivement. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Econophile. Content de vous retrouver dans la formule live. Donc, cette semaine, la France. La France, ah ben oui, hein, que c'est beau. C'est la révolution Macron. C'est, hein, il va tout révolutionner, Macron. C'est un outsider, Macron. Hein, c'est, ben oui, oui, c'est, il va dépoussiérer la présidence, Macron. Il vient pas de la même clique dont on est tanné, Macron. Ouais. Sauf que c'est faux. Tout est faux. Macron, c'est la continuité. C'est comme d'habitude. Macron, c'est un pur produit de l'École nationale d'administration qui forme à peu près tous les politiciens français de premier plan depuis longtemps. Il est passé par l'inspection des finances, il a fait la connaissance de Jean-Pierre Jouyet. Et Jouyet est là depuis les années 90. Il était dans le cabinet de Jacques Delors, qui était président de la Commission européenne. Il était avec Jospin, Sarkozy, secrétaire général de l'Élysée sous Hollande. Et il a pris Macron sous son aile. Ah bon? Macron a été envoyé par Jouyet à la commission Attali. Et ça, ben, il a été le rapporteur de la commission. C'est une commission qui a réuni les grands patrons, ce qu'on appelle le CAC 40, là, le club des millionnaires, et qui devait formuler des recommandations sur les politiques économiques. Commission qui a recommandé les conneries qu'on nous sert depuis des années. Couper les fonctionnaires, baisser les charges sociales, laisser les riches s'enrichir en paix. C'est bon, de partir. Mais c'est un banquier, Macron, qui est passé chez Rothschild, donc il n'y a rien de différent. Il s'est enrichi notamment avec Nestlé quand il a piloté une opération d'acquisition. C'est un millionnaire. Il a un gros réseau, évidemment, dans le monde de la finance, les banques. Et Jouyet, ben, l'a fait nommer secrétaire général adjoint à l'Élysée sous Hollande. Et il est derrière les grands crédits d'impôt accordés aux entreprises pour la compétitivité, ce qu'on appelle le CICE, etc. Puis il est devenu ministre de l'économie à 36 ans. Alors, il n'y a rien de différent. Au contraire, c'est la finance qui était en coulisses, ben, elle est maintenant devant les caméras. Hein, c'est tout simplement ça. Son programme, ben, personne ne le connaît. Il y a d'ailleurs des bouts qui se contredisent. Il est de droite, de gauche, ni pour, ni contre, au contraire. Mais il y a des gens qui ont pensé que c'est avec Macron que ça va changer. Ah ben oui, il est jeune, il est dynamique. Hein, il vient pas des vieux partis. Ah ben, lâchez pas. C'est une supercherie bien plus qu'autre chose. Il a participé lui-même aux politiques qui ont créé la situation qu'il dit qu'il va combattre. Wow! Non, c'est pas un outsider Macron. C'est la consécration du pouvoir des puissants. C'est tout. Oui, c'est mieux que Le Pen, c'est sûr. Vous êtes une borne fontaine, c'est mieux que Le Pen. Mais c'est pas une révolution, là. Non, c'est pas une révolution. Non, c'est une consécration. Et je te bouscule. Ne te réveille pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Me tourne le dos comme d'habitude. Oh oui. Alors, vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog, ben on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, c'est facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, bien entendu, ben il y a deux façons. Le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben vous allez sur econophile.net et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question pour vous permettre de lire la biographie de Macron, hein, pour apprendre que finalement, il fait partie de de la gang. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions ». Alors, c'est le temps de retrouver mon collègue après un mois sans se parler, Jean-Claude. Bonjour. Oui, bonjour, David. Écoute, j'ai passé 43 ans de ma vie sans te parler. Là, j'ai passé un mois, puis tu me manquais. Oh, c'est presque réciproque. Écoute, Jean-Claude, cette semaine, on parle d'un livre cette semaine et la semaine prochaine, un livre important, un livre considérable dans tous les sens du mot et écrit par quelqu'un qui est considérable, si je puis dire comme ça. C'est Anthony Atkinson qui a écrit le livre Inégalité. C'est une grosse pointure, je rêve pas en disant ça. Là, tu as tout à fait raison et c'est bien qu'on en parle et c'est bien qu'il ait acquis une certaine notoriété, mais c'est une notoriété posthume parce qu'il est décédé le 1er janvier dernier. Moi, je pense qu'il n'était pas suffisamment connu du grand public. Il était plus connu dans le milieu universitaire, très respecté, et je pense que ce n'est qu'une très bonne chose que l'on puisse parler de son livre et que d'autres l'aient fait aussi sur la place publique là, au cours de la dernière année. Et si on en parle pendant deux semaines, c'est simplement qu'on s'est dit il y a tellement de matériel là-dedans que ça vaut pas la peine de se dépêcher. C'est une émission où on se donne le temps de faire les choses, alors faisons-le. Donc, un livre qui parle d'inégalité, qui se concentre surtout sur la Grande-Bretagne, c'est vrai, mais qui quand même est un livre qui est une sorte de testament, tu vas nous en parler tantôt, de son auteur, un ouvrage qui cumule le savoir de cet économiste de tête et de cœur. C'est ce qu'on découvre aussi beaucoup avec lui dans ce livre-là. Donc, on vous en parle dans un instant. Bonne émission! Alors, commençons par le commencement. Introduction du livre d'Anthony Atkinson. Et il se lance ainsi. C'est un bon moment de lecture, mais vous allez voir, ça met la table parfaitement. Donc, l'inégalité est aujourd'hui au cœur du débat public. Les populations sont plus conscientes que jamais de son envergure. On écrit beaucoup sur le 1% et les 99%. Le président des États-Unis, Barack Obama, et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, ont déclaré qu'enrayer son ascension était une priorité. Dans le cadre de son enquête d'opinion publique internationale, Global Attitudes Project a demandé en 2014 aux personnes qui l'interrogent quel était le plus grand danger pour le monde. Il a découvert qu'aux États-Unis et en Europe, l'inégalité inquiète plus que toute autre menace. Mais si nous voulons sérieusement le réduire, que pouvons-nous faire? Comment cette sensibilité accrue de l'opinion peut-elle se traduire par des actes, par des politiques qui feront vraiment reculer l'inégalité? Dans ce livre, je fais des propositions concrètes qui pourraient, à mon avis, réorienter réellement la répartition des revenus dans un sens moins inégalitaire, en tirant les leçons de l'histoire et en regardant d'un œil neuf, du point de vue de la répartition, les mécanismes économiques à l'œuvre. J'entends montrer ce que l'on pourrait faire immédiatement pour réduire l'ampleur de l'inégalité. Je le fais dans un esprit d'optimisme. Le monde fait face à de vastes problèmes, mais collectivement, nous ne sommes pas confrontés, impuissants, à des forces incontrôlables. L'avenir est très largement entre nos mains. Ce livre est un produit de mes réflexions, pas seulement sur les causes de l'inégalité et ses remèdes, mais aussi sur l'état de la pensée économique contemporaine. Dans la ferme de Froid, accueille la romancière anglaise, Stella Gibbons, a entrepris de marquer par des étoiles les plus beaux passages afin d'aider le lecteur qui ne saurait trop si une phrase relève de la littérature ou des balivernes. M'inspirant de son exemple, j'avais pensé marquer ainsi les passages où je m'éloigne de la théorie traditionnelle pour alerter les lecteurs qui auraient peur des balivernes. J'ai décidé de ne pas mettre d'étoiles, mais je signale dûment les écarts par rapport à la pensée orthodoxe. Je ne dis pas, je le souligne, que les approches adoptées ici sont nécessairement supérieures. Je dis qu'il y a plusieurs façons de faire de l'économie. Quand j'examine un changement économique ou une politique, on m'a appris à Cambridge à me demander qui gagne et qui perd. C'est une question souvent absente des analyses médiatiques et des débats politiques d'aujourd'hui. De nombreux modèles économiques postulent des agents représentatifs identiques qui prennent des décisions élaborées. Autant dire que les problèmes de répartition disparaissent, ce qui ne laisse aucun espace pour examiner la justice des résultats. Selon moi, on doit faire une place à ce débat. Il n'y a pas qu'une science économique. Je m'adresse dans ce livre aux lecteurs non spécialistes qui s'intéressent à l'économie et à la politique. Les aspects techniques sont confinés pour l'essentiel dans les notes de fin. Et j'ai prévu un glossaire des principaux termes employés. Vous voyez, hein, il a son côté prof. Il y a des graphiques et quelques tableaux. On trouvera la provenance détaillée et dans les sources des figures en fin d'ouvrage. Je me suis souvenu quand même de la formule de Stephen Hawking. Chaque équation divise par deux le nombre de lecteurs. Il n'y a aucune équation dans le texte et les lecteurs devraient donc, j'espère, aller jusqu'au bout. Jean-Claude, lançons-nous d'abord, première partie, pour parler un peu d'abord effectivement de l'auteur. On en a parlé très rapidement en ouverture. Un chercheur respecté, vénérable, reconnu de ses pairs et partout dans le monde d'ailleurs. Oui, je pense que c'est tout à fait exact. Et on a d'ailleurs découvert, c'est un peu dommage à dire, mais suite à son décès, il y a eu toutes sortes de dommages qui lui ont été rendus. Et on a mis en lumière le fait, par exemple, que c'est probablement le premier qui, au cours des 40 ou 45 dernières années, en fait, pendant toute sa carrière, s'est intéressé à un travail, faire un travail de moine, dans le fond, essayer de sortir des données sur les écarts de richesse, les écarts de fortune, la pauvreté, le chômage, tout ça. Toutes des choses qui ont relié au bien-être des populations. Évidemment, il l'a fait d'abord pour son pays, le Royaume-Uni, mais il l'a fait également, il a fait des comparaisons avec d'autres pays. Et ce travail-là, permis, dans le fond, certains disaient même, puis je serais porté à croire que c'est vrai, c'est ce qui a permis, dans le fond, jusqu'à un certain point, le mouvement des indignés, toute la dénonciation des écarts de richesse entre les 1% les plus riches et le restant de la population, parce que c'est lui qui a permis, dans le fond, de voir, oui, mais jusqu'à quel point que le 1% les plus riches est vraiment plus riche que le reste du monde. S'il n'avait pas fait ce travail de débroussaillage et s'il n'avait pas entraîné d'autres avec lui, dont Thomas Piketty, est peut-être le plus connu, peut-être même plus connu qu'Atkinson, ben peut-être que les dénonciations du 1% n'auraient pas été aussi efficaces qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant. Et parce que d'ailleurs, quand on le lit, on sent que c'est sa personnalité. Il donne pas tellement, j'allais dire, c'est des opinions. Oui, c'est une perception des choses, mais en même temps, on sent très bien que tout ce qu'il dit, lui, faut que ce soit appuyé. C'est un chercheur, c'est un scientifique en quelque part de l'économie. C'est pas quelqu'un qui se lance dans le vide, pas du tout. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces livres, mais je sais que c'est ce qui a rébuté certains. Oui. C'est pas un livre comme on en a même traité certains ici à l'émission. C'est pas un livre qui se limite à l'indignation, c'est-à-dire que c'est facile d'être indigné, c'est facile de se révolter contre les injustices, mais lui essaie toujours de attacher ça, soit des notions d'économie à des théories économiques et surtout à des chiffres. Il essaie toujours de démontrer ces choses. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il essaie toujours de montrer la faisabilité, le réalisme de ce qu'il propose, même si des fois, il est un petit peu à la limite, parce que j'avoue que moi, dans certains cas, je doute un petit peu de la possibilité d'implanter à très court terme toutes ses recommandations. Il a cherché à améliorer les outils, entre autres, les mesures de l'inégalité. C'est quelque chose qui le préoccupe. D'ailleurs, il en parle tôt dans le livre en disant que c'est un sujet qui est important. Parce que de quoi on parle, il y a un peu des fois de tout et n'importe quoi là-dessus. C'est important ce qu'il a fait là-dessus. C'est très important. C'est un peu ce que je disais tantôt. Là, sa notoriété de scientifique, d'universitaire est beaucoup basée là-dessus. C'est lui qui a non seulement trouvé des données, c'est-à-dire mesurer les écarts de richesse, mais développer des indicateurs de mesure. Évidemment, c'est pas lui qui a inventé l'indice, le coefficient de Gini, qui est utilisé depuis toujours. Donc, tu parles dans le livre, évidemment. Mais par contre, il l'a raffiné parce que le coefficient de Gini, peut-être je ne veux pas trop entrer dans la technique, là, mais le coefficient Gini tient moins bien compte, dans le fond, des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Il peut y avoir des biais, des erreurs d'estimation. Alors lui a raffiné ça et ça a donné l'indice d'Atkinson. Il est connu d'ailleurs chez les spécialistes par la mise au point de cet indice-là, qui est un peu plus précis que les coefficients de Gini qui sont souvent utilisés. Oui, pas Gini, pas G-E-N-I-E, mais G-I-N-I. En fait, si vous retrouvez ça quelque part. Aussi, ben, ce qu'on constate et ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, t'en as glissé un mot, c'est il est pas tout à fait de son siècle, c'est un précurseur, donc par définition, il détonnait sur ses collègues et j'ose à peine imaginer ce que ça devait donner dans les corridors d'université. Ah oui, c'est Atkinson l'original, hein? Ouais, ben d'ailleurs, il dit un peu, comme tout bon Britannique, il fait un peu d'ironie, un peu d'autodérision. Il était conscient de ça. Et moi, ce qui m'a frappé, ben, je pense lui-même le reconnaissait, il était un peu comme un économiste du 19e siècle, c'est-à-dire à l'époque où on en a parlé à l'émission à quelques reprises, où à l'époque d'Adam Smith, par exemple, l'économie est une science morale, et lui se préoccupait non seulement de la production, mais également de la distribution de la richesse, distribution de qu'est-ce qu'on produit. Donc, il revenait un peu à l'origine. L'économie à l'origine était comment faire pour améliorer la production et s'assurer que la distribution profite à tout le monde. Lui était un peu tenant de cette approche de l'économie qu'on a beaucoup perdue avec le temps, et surtout depuis l'époque néolibérale. Et il raconte dans le livre des économistes, même des prix Nobel, qui présument que si on améliore la production, ça va profiter à tout le monde. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est un livre testament parce que ça a été écrit en fin de vie. Hein. Ça le rend en même temps presque plus précieux, ce livre-là. Moi, hein. C'est presque émouvant, dans le fond. C'est pas un livre sentimental du tout, là, parce que lui, encore une fois, son style britannique fait qu'il rentre pas du tout dans les émotions. Il parle jamais, dans le fond, qu'il était malade. Mais le livre a été écrit en 3 mois parce qu'il venait d'apprendre qu'il avait un cancer incurable et d'ailleurs le cancer l'a importé là, à peu près dans une période de 18 mois d'après ce que je comprends. Donc c'est un livre écrit très rapidement et dans un sentiment d'urgence et c'est peut-être pour ça que le livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort de sa réserve universitaire, il se dit c'est bien beau être la précaution puis la prudence puis la prudence des universitaires, mais là j'ai pas le choix, il me reste quelques mois à vivre, il faut que je dise ce que je pense, il faut que je laisse mon testament intellectuel. Et ça reste un livre, écoute, c'est pas une lecture aussi facile, effectivement, comme tu disais, que d'autres qu'on a présentés ici. Ça se lit bien, c'est intelligent, c'est bien écrit, ça paraît que la pensée, elle est claire. Mais je vous dirais, là, je le mettrais dans ma bibliothèque d'économie, mais c'est peut-être pas pour n'importe qui. T'sais, si vous pensez que vous allez vous gâter à lire de l'économie avec ça, ça reste à certains segments. Je trouve qu'il y a des books, c'est assez aride et c'est très concentré Grande-Bretagne. Donc là, des fois, vous lisez, puis c'est pas chez nous. Donc on se sent un peu moins concerné, mais c'est un livre qui est quand même très accessible, je pense. Ben oui, moi je pense que l'intérêt de celui-là, bizarrement, c'est un livre pour fin de discussion. Je pense que c'est un livre que je verrais très bien animer des sacs de réflexion sur l'économie, qu'on en discute ensemble avec des spécialistes puis des non-spécialistes. Mais c'est à prendre à petite dose parce qu'effectivement, on peut pas lire ça d'un couvert à l'autre facilement. Là, c'est pas comme un roman. C'est quand même relativement accessible, mais il y a quand même des passages plus techniques. Je vais me lancer justement dans un bout peut-être un peu plus technique, oui puis non, en même temps c'est quelque chose d'important. Atkinson aborde le sujet principal de son livre, les inégalités, et son but, il l'a dit, c'est de les réduire. Hein. Il est pas naïf là, au point de penser que ça peut disparaître, là. C'est pas la question, il ne le dit pas. Parmi les idées qui sont avancées, ben, l'auteur écrit que lorsqu'ils entendent le mot « inégalité », beaucoup pensent qu'il s'agit d'assurer l'égalité des chances. Donc ça, c'est une thématique qui est importante dans son livre, et il écrit ceci à ce propos. Le concept d'égalité des chances est séduisant, mais signifie-t-il que l'inégalité des résultats est hors sujet? Selon moi, la réponse est non. L'inégalité des résultats reste importante, même pour ceux dont le souci premier est d'égaliser le terrain. Afin de comprendre pourquoi, notons d'abord la différence entre les deux concepts. Alors, il y a vraiment cette approche professorale. Fondamentalement, l'inégalité des chances se situe avant, au point de départ, qui devrait être le même pour tous. En revanche, une large part de l'activité redistributive porte sur les résultats, donc se situe après. Ceux qui disent que l'inégalité des résultats est hors sujet jugent illégitime de se préoccuper de l'après. De leur point de vue, du moment qu'on a égalisé le terrain où se déroule la course de la vie, il ne faut pas enquêter sur les résultats. À mon avis, c'est faux, pour 3 raisons. La première est que la population, dans son écrasante majorité, juge inacceptable l'indifférence totale à ce qui se passe après que le coup d'envoi de la course a été tiré. Il est possible que quelqu'un fasse de gros efforts, mais joue de malchance. Supposons que certains trébuchent et sombrent dans la pauvreté. Dans toute société dotée de quelque humanité, on leur viendra en aide. Et beaucoup estiment qu'il faut le faire sans se demander pour quel motif ils se retrouvent en grande difficulté. Il serait moralement odieux, notent les économistes Ravi Kanbur et Adam Wagstaff, de ne remettre le bol d'une soupe populaire qu'après avoir vérifié que ce sont bien les circonstances et pas l'insuffisance des efforts qui ont mis dans sa triste situation celui qui fait la queue pour cette soupe. Telle est la première raison de s'intéresser aux résultats. Nous ne pouvons pas ignorer ceux pour qui le résultat est la misère, même si au départ les chances étaient égales pour tous. Mais l'importance des résultats va bien au-delà de ces considérations, ce qui nous amène à la deuxième raison pour nous préoccuper de leur inégalité. L'égalité des chances a deux formes distinctes. Elle peut être concurrentielle ou non concurrentielle. La seconde garantit à tous des chances égales de réaliser leur projet de vie indépendant. Pour rester dans l'analogie du sport, elle donnera à chacun la possibilité de passer son brevet de natation. En revanche, l'égalité des chances concurrentielle signifie seulement que nous aurons tous des chances égales de participer à une course, à une compétition de natation, où les prix sont inégaux. Dans ce cas, ce qui est plus courant, il y a des récompenses inégales après la course. Et c'est là que l'inégalité des résultats apparaît. C'est parce que la répartition des prix est extrêmement inégalitaire qu'il nous paraît si important d'assurer l'équité de la course. Et la structure des récompenses est, pour l'essentiel, un construit social. Ce sont nos modes d'organisation économique et sociaux qui déterminent si le gagnant recevra une couronne de laurier ou 3 millions de dollars. La détermination de la structure des récompenses est la préoccupation principale de ce livre. Alors Jean-Claude, j'ai choisi de lire ce segment-là pour mettre la table un peu. Et d'ailleurs, il continuait, j'ai pas lu parce que ça se prolonge longuement, mais il parle entre autres aussi du fait que c'est dans la famille, il y a l'aspect familial, hein, tu vis dans la misère, la génération suivante part aussi avec ça. Il y a plein de facteurs qu'il faut tenir compte avant de parler d'inégalité, qu'on a juste à être tous égaux à la ligne de départ, on tire le pistolet, c'est réglé, c'est pas ça du tout. Non, c'est ça, effectivement, c'est plus compliqué que ça. Je pense que l'extrait que tu as lu le disait bien. C'est-à-dire, c'est pas tout. Lui, ce qu'il dit, c'est pas tout de s'occuper de l'égalité des chances. C'est un slogan politique qui était très à la mode, ça, mais il faut regarder l'égalité des résultats aussi, parce qu'il y a toutes sortes d'accidents de parcours qui peuvent arriver. Puis il faut s'organiser finalement pour qu'en bout de piste, il y a une certaine égalité, une égalité satisfaisante dans la société, peu importe les conditions au niveau des lois, des règlements, de l'impôt là, qu'on aura mis en place. Dans tes nombreuses notes que tu m'as envoyées, fort bien détaillées. Tu parlais entre autres de sa méthodologie, de son approche méthodologique. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos-là? Moi, il y a plusieurs. Tu en as parlé un petit mot tantôt. Moi, ce que j'aime beaucoup de lui, c'est son biais universitaire, c'est sa grande prudence, sa rigueur, sa sobriété. Il tombe jamais dans l'emphase, dans les thèmes grandiloquents. Il va vraiment de façon très respectueuse également des lecteurs, de ses collègues. Il reconnaît que des fois, c'est d'autres autrement que lui. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est un idéaliste, c'est un peu la même chose, dans la même idée, je le qualifierais d'idéaliste réaliste, parce qu'il vise très haut, il y a vraiment de grandes ambitions pour la société, sa société, pour l'égalité, le développement d'une plus grande égalité, en même temps, il est très réaliste, fait qu'il dit toujours, ben ça sera pas facile, ça va prendre beaucoup de courage politique, ça va prendre beaucoup de coordination entre les différents pays, donc il sait aussi qu'il a intérêt à proposer des mesures qui respectent une certaine forme d'équilibre budgétaire, parce qu'il sait que c'est l'idéologie dominante présentement. Donc, il va dire, si on veut développer telle chose, il faut en contrepartie soit hausser les impôts, soit enlever des exemptions fiscales aux compagnies ou aux riches, des choses comme ça. Donc, il y a toujours le souci de montrer que qu'est-ce qu'il propose, c'est faisable, puis voici comment on pourrait le faire. C'est ce qui est intéressant, c'est que, je le disais tantôt, il ne fait pas que dénoncer, il dit, voici ce qu'il faut faire, c'est possible, mais ça va prendre du courage, ça va prendre de la volonté, mais on peut y arriver. Oui, parce qu'il dit dit aussi à quelques reprises dans le livre que on peut parler d'économie longtemps, il y a toujours la volonté politique d'abord, ça prend ça, on peut écrire bien des choses, s'il n'y a pas de volonté politique, on ira nulle part. Et même aussi, il parle des citoyens, il dit ça va avec vous, là. Il y a les élections, il y a la pression populaire à un moment donné qui peut faire avancer les choses. Dans les questions d'inégalité, des manifestations d'inégalité, on a parlé d'égalité des chances, il y a les revenus, il parle des revenus, richesse aussi, c'est une distinction qui est importante, il parle de consommation, si tu voulais m'en parler un peu. Oui, ben c'est ça, effectivement, je pense qu'on par sa méthode, là, je viens de parler tantôt du fait qu'il était quand même très réaliste, mais ouais. Il s'intéresse à tous les aspects de la société, donc les facteurs familiaux, facteurs sociologiques que tu as évoqué tantôt. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, qu'il va dire, il faut s'intéresser au temps long de l'histoire, c'est-à-dire il ne faut pas s'arrêter à des épisodes, puis il ne l'a pas dit textuellement, mais il pensait sûrement au néolibéralisme, puis il dit il faut penser au néolibéralisme comme un épisode de l'histoire. Ça ne veut pas dire que c'est une tendance de fond, il ne faut pas voir ça en termes de tendance de fond. Donc, la société peut aller dans une direction pendant une certaine période, mais elle peut aller dans une autre direction pendant une autre période. Donc, moi, je trouvais que c'était quand même un message relativement positif que de prendre les temps, alors, se mettre à l'échelle de l'histoire, finalement, et non pas à l'échelle des échéances électorales, comme on le fait trop souvent. Et comme tu viens de le mentionner, pour lui, ce qui est très important, c'est de lutter contre les inégalités sur tous les fronts à la fois. Non seulement l'inégalité des revenus, l'inégalité des salaires, par exemple, mais également l'inégalité de la richesse, de la fortune. On en a parlé dans des émissions précédentes. Lui, il confirme que c'est très important. Très important aussi dans son discours, c'est puis là, il fait vraiment bande à part par rapport à un bon nombre d'économistes, c'est que lui, il voit un rôle très important pour l'État. En fait, son livre, c'est constamment, toutes ses recommandations concernent les gouvernements. Ouais. Lui, il croit un rôle, il appelle ça le rôle compensateur. Il dit, présentement, on est dans une société, dans une économie où les grands pouvoirs détenus par les grandes compagnies est excessif. Ça prend une entité qui est au moins aussi forte que ces grands pouvoirs-là, et ça ne peut être que l'État. Écrit en Grande-Bretagne, qui plus est, l'endroit où ça a commencé le néolibéralisme, c'est pas innocent. Il y a aussi, bon, on l'a mentionné un peu. Ce qu'il y a d'intéressant, quand on a lu Piketty, parce qu'on on s'est tapé Piketty, on avait l'impression quand même de revoir aussi les mêmes choses un peu. Donc, la matière, ce qui lui a servi, elle est abondante, elle est non négligeable, et c'est ce qui rend son discours solide. C'est assis sur du ciment, là, bien comme il faut. Il y a une bonne dalle en dessous de ça, mais c'est quand même, c'est important. Quand on passe au travers de ça, il y a beaucoup de matériel. C'est un peu lourd, mais c'est important. Ben, faut dire, par contre, par rapport à Piketty, il est quand même trois fois moins long. Ah, c'est clair. Non, écoute, Piketty, c'était des semaines de lecture, là. Ouais, mais peut-être un petit aparté, puis je devrais pas le faire parce que je parle à travers mon chapeau. Je suis pas tout à fait sûr. On m'a jamais, j'ai pas lu ça nulle part, mais je pense que Piketty, dans le fond, il a un peu damé le pion. Parce que Piketty a étudié avec Atkinson. Il était très influencé par Atkinson. Ouais. Il le reconnaît d'ailleurs à la préface du livre. Piketty signe la préface du livre d'Atkinson. Mais je pense que Piketty était plus marketing, si on peut dire, qu'Atkinson. Lui, il a dit un bon filon là-dedans. Je sors mon lit. C'est correct aussi. Puis je pense qu'Atkinson lui en tient pas vraiment rigueur, mais peut-être qu'il s'est dit, je vais essayer de le rattraper un petit peu quand même. C'est possible, mais en tout cas, chose est sûre, on l'a dit quand on avait parlé de Piketty, ça a marché son affaire Piketty. Mm. C'était des quelques millions de copies de vendues. Donc voilà, maintenant, il est tout à fait en mesure de payer beaucoup d'impôts, en tout cas, semble-t-il. Merci beaucoup. C'est l'émission Économophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On vous présente l'excellent livre du remarquable économiste Anthony Atkinson, livre intitulé « Inégalité ». Donc oui, on parle d'inégalité. Et après des pages et des pages donc de données, de statistiques, le professeur Atkinson nous attend, hein, après un tiers du livre de passé à peu près, avec un petit récapitulatif. Donc je me suis dit que ce serait à propos. Alors le voici. Jusqu'ici, j'ai présenté le défi que nous allons relever dans ce livre. J'ai examiné ce qui incite à se préoccuper de l'inégalité, les données dont nous disposons sur son ampleur et les mécanismes économiques qui la sous-tendent. Dans la partie qui va suivre, mon but est de déterminer un ensemble de mesures concrètes que l'on pourrait mettre en œuvre pour obtenir une réduction claire de l'inégalité économique. Dans le passé, certaines périodes importantes l'ont vu diminuer. Elles ne se limitent pas à des situations exceptionnelles de temps de guerre, mais comprennent aussi les premières décennies de l'après-guerre en Europe et la dernière décennie en Amérique latine. Bien que le monde actuel soit différent sur certains aspects majeurs, des leçons doivent être retenues de ce passé. L'expérience historique suggère que l'inégalité a diminué sous l'effet conjoint de deux phénomènes. Les revenus marchands sont devenus moins inégalitaires et la redistribution plus efficace. C'est sur ce constat que reposent les propositions qui vont suivre. Les revenus marchands n'ont pas pour seul moteur des forces exogènes qui échappent à notre contrôle. Il est possible de les rendre moins inégaux. Nous devons explorer les déterminants du changement technologique afin de trouver comment les utiliser pour donner aux travailleurs et aux consommateurs de meilleures chances dans la vie. En économie de marché, l'offre et la demande influencent le résultat, mais elles laissent une marge de manœuvre à d'autres mécanismes. Il nous faut donc examiner le contexte social général dans lequel opèrent ces marchés. Jean-Claude, allons-y avec les propositions, puisque je viens de mettre la table en parlant de ça. C'est le professeur lui-même qui nous incite à parler de ces propositions. Il y en a plusieurs de très intéressantes, d'originales, d'autres moins, parce qu'on sont appliquées, par exemple ici. Mais je te laisse commencer avec ces propositions-là qui ont, il le dit lui-même d'ailleurs, comme but, et il l'a chiffré en plus, baisser le coefficient de Gini, pas de génie, mais de Gini, de 32 à 28 %. Donc, il se dit, garde, on va quand même se donner une base, là, pas juste se lancer de même. Oui, bien peut-être commencer par dire d'ailleurs que le coefficient de Gini, c'est une mesure de l'inégalité des revenus dans une société. Et lui, c'est très important pour lui parce qu'au Royaume-Uni, c'est un des pays, il le note dans le livre, où suite à l'influence de Mme Thatcher et du néolibéralisme, c'est un des pays où ça l'a le plus augmenté. Ça l'a augmenté de 10 points de pourcentage. Pour donner une espèce d'exemple, là, le coefficient de Gini, ça varie, disons que ça varie entre 0 et 100. 100, c'est l'inégalité parfaite. Ça voudrait dire si tous les revenus d'un pays étaient détenus par une seule personne, là, votre coefficient de Gini, c'est de 100. Si, par contre, tout le monde a le même revenu exactement, on a tous le même revenu, pas de différence, à ce moment-là, c'est zéro. Mm-hmm. Donc, c'est entre 0 et 100. 100, c'est l'inégalité absolue. 0, c'est l'égalité parfaite. Le Royaume-Uni, ça a augmenté de 89 à 2010. Ça a augmenté de 10. C'est passé à peu près de 24 à 34-35 dans ce coin-là. Les États-Unis ont beaucoup augmenté aussi. Le Canada a augmenté un peu de 3 degrés. Donc, tous les pays, sauf la France, ont augmenté pendant l'ère du néolibéralisme. C'est peut-être... C'est intéressant parce que tu vois, là, on parle de 32, donc on comprend qu'on est de 32 à 28. Donc, soudainement, le chiffre devient plus clair. Merci. Il reprend juste 4 points sur les 10 points qu'a fait perdre Mme Thatcher, par contre, à son pays. Donc, encore là, il est réaliste. Bien, pour revenir aux propositions, effectivement, il y en a 15. Certains disent 14 pour la bonne raison que entre la 13e et la 14e, c'est où? C'est-à-dire on fait la 13 ou on fait la 14. Mais les deux sont quand même intéressantes, et la 13 et la 14. Peut-être commencer en disant qu'il y en a 4-5 types différents. On pourrait les regrouper. Oui. Il y en a une première qui touche la technologie, puis ils disent notamment la technologie devrait être orientée par les gouvernements pour s'assurer de l'employabilité, c'est-à-dire pas développer seulement des robots, mais s'assurer que les nouvelles technologies permettent quand même de fournir de l'emploi à tout le monde, et notamment l'emploi dans les services. Lui, il plaide pour des services plus humains. Il donne un exemple qui parle à tout le monde, là, c'est-à-dire c'est bien beau des véhicules automatisés, maintenant des véhicules automatiques, comme dans le domaine du taxi, mais parler au chauffeur de taxi, ça peut être intéressant des fois. Beaucoup plus qu'avec un robot. C'est l'exemple qu'il donne pour dire qu'il peut être des services humains. Il parle de concertation. C'est peut-être un des exemples, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, David, qui est moins intéressant pour le Québec, parce que nous, la concertation, quand même, on connaît ça au Québec. Depuis René Lévesque avec Lucien Bouchard, on a eu beaucoup d'exemples de grands messes où on réunissait les syndicats et le patronat. On a déjà donné là-dedans. On sait de quoi qu'il parle. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas au Québec, mais c'est moins original. Ça, c'était sa deuxième proposition. Les autres, ça tourne beaucoup le travail et la rémunération. Ça touche la richesse. Ça touche la progressivité de l'impôt, venir donc à des taxations plus élevées pour les plus riches. Ça touche les prestations sociales, comme l'aide sociale, comme, l'assurance parentale, des choses comme ça. Mm-hmm. Et ça touche l'aide internationale. Donc, on voit les grandes divisions, les choses qui le préoccupent le plus. Si on revient à celle sur le travail et la rémunération, le groupe sur le travail et la rémunération, il y a il y en a deux propositions importantes. C'est, lui, il recommande au gouvernement, plutôt que de cibler l'inflation, on sait qu'au Canada, un peu partout dans le monde, on dit, faut pas plus que 2%, faut que ça tourne autour de 2% l'inflation. Lui, il dit, c'est pas ça l'objectif. Faut donner un objectif plutôt de chômage. Il dit, justement, prenons le même 2%. Mm-hmm. Lui, il dit, faudrait viser à réduire à 2%. Si le chômage est à 1, évidemment, on ne montera pas à 2. Mais si c'est à 3 ou 4 ou 5, il dit, toutes les politiques devraient être orientées pour au moins le réduire autour de 2%. Puis si ça ne fait pas, si le marché ne le fait pas, c'est au gouvernement à fournir des emplois. Donc, lui, il plaide pour des emplois, il appelle ça des emplois de dernier recours dans la fonction publique. Si on a de la misère à baisser le taux de chômage, bien, au moins, le gouvernement peut y aller en embauchant les personnes qui sont sans emploi. Au niveau de la richesse, c'est intéressant aussi. Il y a quelques mesures qui touchent la richesse. Notamment, lui, ça, je trouve ça intéressant, mais ça me paraît très irréaliste. Par contre, je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Mais il dit qu'il faudrait que le gouvernement s'organise pour que tous les petits épargnants aient un taux de rendement sur leur épargne intéressant. Parce que lui, il s'est rendu compte, puis il y a même de mes amis qui m'ont posé la question, comment ça se fait que la caisse de dépôt, elle a 7-8% sur ses rendements, puis moi, j'ai de la misère à avoir 2% sur mon épargne. C'est une méchante différence entre 2% puis 8%. J'aimerais ça pouvoir d'investir, déposer mon épargne à la caisse de dépôt. Lui, il donne des explications là-dedans, mais il dit le gouvernement aurait la responsabilité d'offrir des obligations d'épargne qui rapportent un certain montant. Il donne pas le montant. Ça peut être 3-4%, mais au moins pour vraiment inciter les gens à épargner et que ça leur rapporte de quoi. Parce qu'on vit dans une situation présentement, il y a des endroits dans le monde, si tu tiens compte de l'inflation, que ton épargne ne te rapporte rien. C'est-à-dire, tu es pénalisé pour épargner. Donc, c'est vraiment pas idéal. Effectivement. Et je sais pas si on peut continuer. Oui, mais je t'en prie. Moi, je t'écoute passivement, mais avec beaucoup d'intérêt. Et c'est quand même aussi quelqu'un qui, dans ses mesures, très souvent, puis tu l'as dit tantôt, a toujours une intervention où l'État a vraiment un rôle. Autrement dit, quand on laisse les choses aller, très clairement, quand vous les voyez, les 15 propositions, la plupart, il y a une action concrète gouvernementale parce qu'il se dit, regarde, faut encadrer et même aller jusqu'à des taux d'intérêt. Tu dis, mais vraiment, vous pourriez faire ça. Donc, on sent aussi le gars préoccupé par... cette intervention-là. Bien, peut-être, si je peux, on n'aura peut-être pas le temps de les passer en revue. De toute façon, on va le faire la semaine prochaine plus en détail. Mais pour revenir juste sur cette question de notion d'épargne, c'est absolument fascinant. C'est-à-dire, l'obligation pour les gouvernements d'offrir des obligations qui rapportent réellement de quoi. Personne ne l'a vraiment noté, mais le gouvernement fédéral, dans son dernier budget, vient d'abolir le programme des obligations d'épargne. Mmh. Alors, il va vraiment, notre gouvernement fédéral au Canada va à l'inverse. C'est-à-dire, il n'y a plus moyen pour les citoyens ne sont plus capables d'acheter d'obligations d'épargne du Canada. Ça n'existe plus. Donc, ça enlève un outil d'épargne, finalement, aux Canadiens. Au niveau de la richesse financière, ce qui est intéressant, une chose aussi, mais ça aussi, on l'a déjà un peu au Québec, lui, il recommande beaucoup que les gouvernements puissent investir dans des actifs. Donc, ils puissent, plutôt que confier ça à des PPP, plutôt que les grandes infrastructures confier ça à des entrepreneurs privés, ils disent, on devrait investir là-dedans, puis que ça rapporte au gouvernement, que ce soit comptabilisé dans son bilan comme étant des actifs. C'est pas juste une dette, c'est aussi des actifs qui peuvent rapporter de quoi. Et au Québec, on a connu ça beaucoup, par exemple, dans les années 60, quand on a créé la Société générale de financement. Lui, il recommande, il n'appelle pas ça de même, évidemment, mais il recommande que les gouvernements puissent investir, même dans des opérations manufacturières, en fait, dans des entreprises qui vont produire, donc des sociétés d'État. Donc, on voit très bien qu'il va à l'encontre vraiment du néolibéralisme. Lui, non seulement il préconise un État plus interventionniste, mais même interventionniste au niveau de la production des biens et des services. Et effectivement, j'ose à peine imaginer ce qu'on a pu répondre à ça parce que, de toute façon, on va parler des réactions la semaine prochaine. C'est vraiment ça qu'on va faire. On va revenir en détail sur ces propositions et parler des commentaires et des objections qu'on peut avoir aussi. Mais il dit quand même des choses qui sont à contrario complètement du néolibéralisme. Les PPP, c'est une chose, mais vraiment que le gouvernement a une partie prenante, importante et qu'il laisse pas aller les choses. Alors qu'on est encore en train aujourd'hui, regardez dans l'actualité, on est revenu avec un sondage il y a quelques jours à peine pour dire la SEQ, ça devrait être privé, cette affaire-là. Ben, on a servi ces avertissements-là en disant, mais pourquoi on se départirait de quelque chose qui permet d'avoir des revenus qui rapportent? C'est ça. Atkinson, c'est aussi tout à fait légitime que le gouvernement investisse dans des systèmes, le système de production et que ça rapporte à l'ensemble des citoyens, finalement. Effectivement. Ensuite, si tu continues, je sais aussi qu'il y a quelques notes, je vais vers la fin, notamment, il va jusque dans l'aide internationale, notamment, les pays riches doivent donner 1% de leur PIB. C'est des mesures qui apparaissent essentielles et dans le contexte actuel, c'est plutôt amusant parce qu'on a tendance à entendre beaucoup du désengagement sur le plan... Je pense que quand on entend America First, je veux dire que donner un pour cent. Tu vas te sentir réfléchir, hein? C'est effectivement ça. Donc, c'est assez à contrario. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais nous... Ben, peut-être que chose que tout le monde comprend facilement, la progressivité de l'impôt. Ouais. Ça aussi, on peut faire un lien avec l'actualité. Lui, c'est parce qu'il rappelle que sous Mme Thatcher, par exemple, le taux d'imposition des plus hauts salaires a été réduit de façon considérable. Je me souviens plus du chiffre exact, mais je pense que c'était 75 %. On a baissé ça autour de 40. Lui, il recommande que ça remonte à 65 %. Juste pour donner un point de comparaison, au Canada, si on cumule les provinces et le fédéral, c'est autour de 50 %. Lui, il recommande, dans le fond, que les plus riches, là, les millionnaires, enfin, les 200 ou 300 000 $ et plus, le dernier dollar de revenus soit taxé à 65 %. Donc, le chapeau pourrait nous faire à nous aussi parce que on est à 50 % présentement. Je vais mettre ça en lien avec l'actualité. On sait que M. Trump, cette semaine, a justement sorti des propositions budgétaires. Ils sont loin d'être approuvées, là, mais il a quand même donné son indication de baisser justement les taux marginaux, oui, là, sous prétexte que ça pourrait peut-être relancer l'économie. Donc, M. Trump, manifestement, n'a pas lu Atkinson, ou s'il l'a lu, il n'a pas lu grand-chose. Moi, je pense qu'il n'a pas lu, mais effectivement, puis il a dit les plus importantes baisses de l'histoire. Il a présenté ça comme ça. Évidemment, tu comprends bien que chaque geste qu'il pose est historique en soi, mais ce qui est intéressant pour revenir à Atkinson, c'est quand il dit que c'est... en fait, il démontre que c'est finalement pas une bonne idée parce que la baisse d'impôts, finalement, donne pas les résultats et il le voit, il l'observe par les données. Quand ils ont baissé les impôts, ça a pas créé ce qu'on pensait que ça allait créer, ce qui était pourtant l'argument phare de Thatcher à l'époque. De Thatcher et de Reagan. Et de Reagan aussi, bien sûr. C'est ça. Puis ça n'a pas fonctionné. Comme je mentionnais tantôt, Atkinson, il fait référence toujours à l'expérience historique. Puis c'est intéressant dans son livre. Souvent, il va dire, ben ça, on l'a déjà essayé, puis ça marche. Ou ça, on l'a déjà essayé, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne donne pas les résultats escomptés. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Oui, ça va. Oui. Oui. Parfait. Petite lecture dans quelques instants. Oui, le petit défi de vous présenter 15 propositions rapidement, c'est juste un avant-goût. Là. La semaine prochaine, on va vraiment s'y arrêter tranquillement. Question de vous en parler plus à fond et de parler aussi de ces objections qu'on a commencé rapidement à soulever comme ça. Mais c'est surtout pour démontrer toute la profondeur de la réflexion et le fait que c'est très vaste. Hein, c'est l'éventail complet. Il ne s'arrête pas à une ou deux choses. Il fait le tour du portrait. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va revenir là-dessus. Mais donc, entre-temps, ben, quand on s'aventure jusqu'à la fin du livre, hein, parce que oui, on a été capable de passer au travers. On trouve c'est ce côté peut-être un petit peu plus personnel de l'auteur qui écrit ceci en guise de conclusion et je vous en fais la lecture. Comment avancer? Il faut l'envie d'agir, donc une impulsion politique. La relation entre l'inégalité et la politique est cruciale. La concentration des fortunes et des revenus est porteuse de pouvoir et d'influence. C'est une des grandes raisons instrumentales de se préoccuper de l'inégalité économique. Comme disait le sénateur américain du 19e siècle, Mark Hanna, il y a deux choses importantes en politique. La première est l'argent, et je ne me souviens plus de la seconde. La montée de l'inégalité des revenus après 1980 a renforcé l'opposition à la redistribution et raffermi le soutien à des politiques économiques qui contribuent à accroître l'inégalité, comme la libéralisation des marchés, un processus cumulatif est en marche. Certains lecteurs estiment peut-être que j'ai porté trop peu d'attention à la politique. Ce n'est pas parce que je sous-estime l'importance de ce qui noue politique et inégalité. C'est plutôt parce que j'ai voulu me concentrer sur une forme particulière que l'on a donnée au message politique. L'idée corrosive du « rien n'est possible », « on ne peut rien faire ». Il n'y a pas d'autre possibilité qu'accepter la forte inégalité actuelle. Je rejette ce point de vue. À certaines époques, pas seulement en temps de guerre, on en a fait beaucoup reculer l'inégalité et la pauvreté. Le 21e siècle est différent, notamment par la nature du marché du travail et par la mondialisation que connaît l'économie. Mais nous pouvons apprendre des leçons de l'histoire tout en regardant vers l'avenir. J'ai écrit ce livre dans un esprit positif. J'ai souligné l'importance d'étudier le passé, mais je ne crois pas que nous soyons revenus dans le monde où vivait la reine Victoria. Les citoyens des pays de l'OCDE jouissent aujourd'hui d'un niveau de vie bien supérieur à celui de leurs arrière-grands-parents. La société moins inégalitaire qui s'est créée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et pendant les premières décennies d'après-guerre n'a pas été totalement anéantie. Au niveau mondial, la grande divergence entre les pays creusée par la révolution industrielle est en voie de s'effacer. Il est vrai que depuis 1980, nous avons assisté à un tournant vers l'inégalité et que le 21e siècle est porteur de nombreux défis. Le vieillissement de la population, le changement climatique, les déséquilibres mondiaux. Mais les solutions à ces problèmes dépendent de nous. Si nous sommes prêts à utiliser la grande richesse dont nous disposons aujourd'hui pour nous attaquer à ces défis et à reconnaître que le partage des ressources doit être moins inégalitaire, il y a de vraies raisons d'être optimiste. Alors Jean-Claude, maintenant, on est rendu à la portion de l'émission chiffre de la semaine. Après avoir, je trouvais que la conclusion, hein, ça disait bien ce qu'il était pareil. Oui. Charmant, sûrement un charmant personnage d'ailleurs. Je présume que ça devait être intéressant de le rencontrer. Chiffre de la semaine, donc Jean-Claude, tu m'amènes sur l'évolution de l'investissement non résidentiel des entreprises au Québec entre 2000 et 2016, parce que le tableau que tu m'as envoyé, il est parlant. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je dois quand même d'entrée de jeu mentionner que c'est tiré d'une conférence à laquelle j'ai assisté cette semaine par l'économiste Pierre Fortin devant le chapitre de la région de Québec de l'Association des économistes québécois. Mais lui-même, Pierre Fortin, tenait ça de Statistique Canada, donc c'est fiable. Oui. Parce que ça vient de Pierre Fortin et de Statistique Canada. Mais donc, effectivement, c'est l'évolution des investissements par le secteur privé. Et le graphique montre où c'était en 2000, en l'an 2000, donc il y a une quinzaine d'années, c'était à 11,3% du PIB. Donc, l'économie dépendait à 11% et plus des investissements du secteur privé. Ça l'a baissé depuis une quinzaine d'années, sauf avec une petite pointe, une petite résurgence en 2012 et 2013. Maintenant, c'est à 8,5%. Donc, ça, 8,5% du PIB vient des investissements privés. Moi, la question que ça me pose, parce que c'est vraiment, c'est une dégringolade. Depuis 15 ans, on dégringole. Il y a le secteur privé est de moins en moins actif, dans le fond, pour animer l'économie. La question que ça me pose, c'est qu'on entend toujours le discours que les gouvernements font trop. Je fais lien avec Atkinson. On dit que les gouvernements devraient laisser la place au secteur privé, d'une part. D'autre part, on dit que les consommateurs sont trop endettés et ça nous inquiète beaucoup. Mais qui est-ce qui va relancer l'économie? Si les consommateurs sont trop endettés, puis si on ne veut pas que le gouvernement soit présent, théoriquement, on pourrait compter sur l'entreprise privée, mais manifestement, il y a un problème. C'est-à-dire, depuis 15 ans, l'entreprise privée, en tout cas au Québec, investit de moins en moins. Si le gouvernement en fait trop, c'est peut-être parce qu'il doit compenser, titre-tu, pour le tableau. Puis c'est effectivement ça. Et ce qui revient à ce qu'on dit depuis plusieurs semaines ici à l'émission, à savoir que, notamment quand on parle des baisses d'impôts, quand on parle de leur donner de la marge de manœuvre et de l'air, ben, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de réinvestissement automatique. C'est pas vrai, cette affirmation-là. Ben, d'autant plus, on l'a mentionné il y a quelques semaines à l'occasion du budget fédéral, c'est qu'il y a, je pense au-delà de 1 milliard d'argent qui est dans de liquidité qui est aux mains des entreprises au Canada et elles ne l'investissent pas. Ça vaudrait la peine de faire une émission sur ce sujet-là. Oui. Pourquoi elles n'investissent pas? Il y a peut-être des bonnes raisons, ce serait à voir. Mais il y a un problème à quelque part. Ça va peut-être être plus courte un peu, moi, je pense, l'émission, si on parle des bonnes raisons, mais on pourrait peut-être, c'est peut-être un petit défi. Effectivement, merci pour ceci. Maintenant, autre sujet tiré de l'actualité. Je peux peut-être juste vous lire le début de la nouvelle qui va nous amener à discuter. Donc, des notes modifiées à l'insu des profs. Hein. Près de la moitié des enseignants du primaire et du secondaire ayant répondu à un questionnaire syndical affirment que des résultats inscrits au bulletin de leurs élèves ont été modifiés sans leur accord. Quelque 47 % des répondants à un sondage interne de la FAE indiquent que des notes attribuées à leurs élèves ont été changées à leur insu depuis la rentrée scolaire de septembre 2015. Ce résultat troublant fait dire à la FAE que les gestionnaires de l'éducation tripotent les résultats d'examen pour gonfler artificiellement le taux de réussite des élèves. Ça, c'est une chose, ça a beaucoup fait jaser, mais ça t'amenait sur un terrain intéressant pour pouvoir discuter de la diplomatie. Moi, c'est une chose qui me tracasse depuis quelques années, c'est-à-dire que je me demande si au Québec, on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire, moi, ça me scandalise un petit peu que les professeurs, pour toutes sortes de bonnes raisons, parce qu'ils veulent plaire au ministère, peut-être, pour ça, de l'éducation, s'organisent pour gonfler les notes, pour essayer d'arriver à des taux satisfaisants de diplomation, de réussite scolaire, finalement. Puis, alors que moi, je pense que c'est ça qui est le véritable scandale, alors qu'en général, depuis une quinzaine d'années au moins, on y dit toujours, au Québec, on ne fait pas assez d'efforts, les gens ne sont pas assez diplômés. Bien, toujours tiré de la même conférence de Pierre Fortin, Pierre Fortin publiait un tableau cette semaine, tiré de Statistique Canada encore et de données américaines, où on montrait que parmi les 25 à 44 ans, donc les forces vives de la population, au Québec, on additionne les diplômés du niveau collégial et technique et des diplômés universitaires, on arrive à 78 % de la population des 25 à 44 ans qui a un diplôme soit collégial, soit universitaire, alors qu'en Ontario, c'est 72 %. Alors, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, parce qu'on met toujours l'accent sur le diplôme universitaire, si on tient compte des diplômés de nature technique, on dépasse Ontario et de beaucoup, de 78 à 72. Et aux États-Unis, tenez-vous bien, c'est 47 %. Ouais. Donc, on est presque le double, ben, pas tout à fait, mais disons 50 % de plus qu'aux États-Unis. En termes de diplômés universitaires, techniques, collégiaux et universitaires. Alors, ce dont l'économie a souvent de plus en plus besoin, c'est de diplômés de techniciens. Et je pense qu'au Québec, on a le niveau d'éducation correspondant à ça. Donc, c'est peut-être un long développement pour dire que c'est pas tellement le nombre de diplômés qui est important au Québec, c'est vraiment est-ce qu'ils font les bons apprentissages, est-ce que la diplomation veut vraiment dire de quoi quand on apprend par les journaux que les notes sont gonflées artificiellement. Ouais, en fait, et ce qu'on comprenait aussi de la nouvelle, c'est que ça se faisait au-dessus des profs, hein, c'est-à-dire c'est à leur insu, c'est en haut, il y a comme eu des arrondissements vers le haut. Quand tu as 58 ou 59, c'était arrondi à 60, ça te donnait une réussite. Il y avait apparemment de la technicalité, allez savoir, mais il y a probablement aussi beaucoup du politique, c'est-à-dire que politiquement parlant, c'est plus intéressant de dire, voyez, on est en campagne électorale, j'ai mon bilan, j'ai augmenté le taux de diplomation ou la réussite scolaire de 1,3 %, plus que ça a reculé de 3. Je pense qu'il y a ça. C'est exactement. Puis, dans le fond, c'est pas rendre service aux élèves, c'est pas rendre service non plus à leur employeur éventuel, parce qu'ils ont l'impression que la personne a fait les acquis de connaissances requises, alors qu'en réalité, elle ne les a peut-être pas faites. Ce qui nous ramène aussi, en terminant, à ce que tu as déjà dit à cette émission, à savoir, les diplômes universitaires, c'est bien, mais encore faut-il que, dans le fond, qu'il y ait les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences pour les emplois dont on a aussi besoin. Il y a aussi cet aspect-là qui est important. Bien, c'est ça que je voulais montrer avec mes statistiques de 78 % à Québec, 72 % en Ontario, c'est que faut pas limiter l'analyse juste au nombre de diplômés universitaires, il faut tenir compte également des diplômés de niveau technique et collégial. Et là, la situation est loin d'être aussi dramatique que certains veulent bien le dire au niveau des diplômes universitaires, par exemple. Merci. Ainsi donc, lecture de « Inégalité » d'Anthony Atkinson, le Vénérable, un livre consistant, important, qui ramasse une grande partie du savoir d'Atkinson lui-même. C'est un incontournable, je crois, dans une bibliothèque économique, comme je le disais, pas nécessairement très facile à lire, mais agréable. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour ta participation, c'est le fun. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. C'est déjà tout pour nous, donc l'émission « Le grain de sable » suit à l'instant. Bonne semaine, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Ça se conseille très bien, des amis, pour apprendre des choses intéressantes sur l'économie. Oui, c'est possible de comprendre l'économie. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.